Chapitre 13e, 10 juillet. Signature du contrat. 400 personnes invitées à venir examiner le trousseau, la corbeille et les différents cadeaux qui nous sont offerts à l'occasion de notre mariage. Petite difficulté le matin avec Claire au sujet de la belle pipe que Cavarouc m'a envoyée et de la blague à tabac brodée par Martha. Claire ne voulait pas et moi je voulais qu'on exposât ces objets puisqu'exposition il y a. « Mais enfin, c'est ridicule, une pipe, une blague à tabac !»« Pas plus ridicule, ai-je répondu, que la cuillère à poisson de Madame X, ou que le seau à glace de Monsieur Z. »« Cette cuillère et ce seau sont en argent. »« Cette pipe est en écume, et cette blague est en soie. »« Rien de plus distingué pour une pipe et pour une blague. »« Je ne ferai pas à des gens que j'aime l'affront de paraître honteux de leur cadeau. » Claire s'est mise en colère. J'ai tenu bon, elle a cédé. Et voilà pourquoi ma pipe et ma blague ont figuré sur la grande table destinée à l'exhibition, dans un coin, il est vrai, à côté de certaines pinces à asperges en ruoles, offertes par une cousine pauvre, dont Mesquin, estimée 18 francs par Madame le Couturier, et qui a fait passer sur sa lèvre aristocratique un sourire de pitié. À 3 heures, on a commencé d'arriver. À 4, les salons étaient pleins. Dieu merci, il y a encore du monde à Paris. J'ai été présenté une centaine de fois dans les mêmes termes à des inconnus qui m'ont dit et auxquels j'ai répondu la même chose. Sentant que je devenais tout à fait imbécile, je me suis échappé du grand salon. J'ai rôdé à droite et à gauche. Les femmes, en toilette claire, couvertes de fleurs, de fruits, de plumes, avaient toutes un petit air de fièvre, je ne sais quoi d'inquiet dans l'attitude, d'avidement curieux, avec une pointe de malveillance dans leur regard. Autour de la table des cadeaux, il y en avait un triple ou quadruple rang. Les premières penchées en avant afin de lire le nom des donateurs écrits sur de petites pancartes munies d'une épingle que l'on fiche à côté de chaque objet. Les autres se dressant sur la pointe des pieds, bousculant et poussant leurs voisines avec le même sans-gêne que devant le comptoir d'un magasin de nouveautés. De cette masse onduleuse et chatoyante sortait un bruissement doux d'étoffes froissées, un murmure de conversation à voix basse, où je percevais vaguement, revenant à chaque phrase, les mots « dot »,« trousseau », »,« corbeille ». Puis, c'était des exclamations mignardes qui s'entrecroisaient. Charmant, ravissant, délicieux, idéal. On se récriait, devant une petite voiture haute de 4 pouces, minuscule image du coupé que M. Blum offre à Claire. On se pâmait devant un service d'argenterie. De l'autre côté de la table, un clerc de notaire se tenait debout, correctement rasé, grave, un peu funèbre même. J'ai appris que ce jeune homme n'était pas là seulement pour présenter le contrat à la signature des invités de marque, mais aussi pour jeter de temps en temps un coup d'œil sur les cadeaux. On ne sait jamais ce qui peut arriver. La porte de la chambre de Claire était ouverte. J'ai vu ce doux sanctuaire où je n'ai pu pénétrer l'autre jour sans une sorte de religieuse émotion. Je l'ai vu envahi par une foule jacassante de jeunes filles et de mamans, venues là pour expertiser le trousseau, pour compter les douzaines de serviettes, pour toucher les draps, pour palper les têtes d'oreiller enrubannées de roses. J'enrageais. Quelqu'un m'a dit tout bas à l'oreille « Demande-leur donc si elles ne voudraient pas par hasard examiner aussi tes caleçons. » Je n'ai pas eu besoin de me retourner, de voir une longue barbe roustaillée en pointe, deux yeux noirs et brillants, un grand front dénudé, d'homme de génie ou de fou, pour reconnaître la voix mordante de Cavarouc. « Eh bien, mon fils, est-ce que tu déchantes déjà » m'a-t-il demandé, tandis que son regard aigu fouillait dans mes yeux. Je n'ai pas répondu. « Bien, que je te présente, » ai-je dit seulement. Je l'ai emmené. En passant près du buffet, j'aperçus le comte de Simeuil, qui m'a serré la main avec beaucoup de noblesse. Ce gentilhomme si décoratif avait le nez un peu rouge, et je ne jurerais pas que son haleine fût absolument pure de tout relent d'alcool. J'ai présenté Cavarouc à Claire. J'ai cru remarquer qu'ils s'observaient l'un l'autre, tout en échangeant quelques mots insignifiants, avec plus de curiosité que de sympathie. De nouveaux venus sont arrivés. J'étais bloqué dans un coin, noyé de réchef, par des gens dont je savais à peine le nom. Sous un flot de congratulations d'une si exaspérante banalité que j'aurais volontiers battu ceux qui me les adressaient. Pendant ce temps-là, Kabarok s'esquivait. J'essayais de le rejoindre. Je voulais lui demander quelle impression Claire avait faite sur lui. Peine perdue, il était parti. Pendant que je le cherchais, j'ai saisi au vol, çà et là, quelques fragments de conversation. On disait du mal de Madame le Couturier et de son mari, de Claire, de sa toilette, du trousseau, des cadeaux, du buffet, de moi. J'ai appris ainsi que les fleurs avaient paru fanées, les sandwichs rances, que ma fiancée avait un bouton sur le nez et que sûrement je perdrais mes cheveux de bonheur. Quelques mères de famille, que j'avais remarquées parmi les plus empressées autour des piles de linge, s'élevaient contre l'indécence de cette exhibition. Une dame, derrière la portière de l'antichambre, disait « Cette petite Claire est une pécore. Quand on me persuadera qu'elle a 700 000 francs de dot. » J'aperçus dans un couloir des valets de chambre, le cou dans l'air, buvant du champagne à même la bouteille. Ah, la jolie chose que le monde, et le touchant, le respectable usage que celui des signatures de contrat.